ferai un fort. Donne-moi un gun, je te ferai un mort. Donne-moi un mic, je te ferai un disque d'or. Donne-moi un mec, je te ferai une masse. Donne-moi une gratte, je te ferai une basse. Donne-moi une bière, je te ferai une grosse tasse. Donne-moi un thème, je te ferai un texte. Donne-moi une meuf, je te ferai une ex. Donne-moi l'amour, je te rendrai du sexe. Donne-moi une clope, j'en ferai un bédo. Une soirée sans capote, j'en ferai un berceau. Donne-moi une balance, un Uzi, j'en ferai une passoire. Donne-moi un négro comme McDoom, j'en ferai un Magloire. Donne-moi des pâtes de trois oignons, j'en ferai une gamelle. Trouve-moi une meuf qui sait chanter, j'en ferai une Amel. Donne-moi un petit qui sait jongler, j'en ferai un Samir Nasri. 1 million d'euros, j'en ferai 1 million d'ennemis. Donne-moi une salle, j't'en ferai un concert. Donne-moi un petit qui veut grimper, j'en ferai un gangster. Donne-moi ta main et je ferai de toi ma reine. Donne-moi ta schneck et je ferai de toi un contact BBM. Donne-moi du love, j'en ferai ma force. Donne-moi de la haine, j'en ferai ma force. Tu pourras bien signer avec moi et je ferai de toi un boss. Donne-moi une serviette en cellule, j'en ferai un tapis de prière. Donne-moi un procureur, un gun et puis j'en ferai un gruyère. Donne-moi un pote, j'en ferai un frère. Donne-moi une meuf, j'en ferai une mère. Donne-moi un gros schlass, un témoin que je le fasse taire. Donne-moi. Yeah, yeah. Donne-moi une meuf, j't'en ferai un bord. Donne-moi raison, j'te donnerai tort. Du commercial, j't'en ferai du hardcore. Prends-moi la vie, j'en ferai un film. Donne-moi une bande, j'en ferai une team. Donne-moi PS, j'en ferai une dream team. Donne-moi un coupable et j'en ferai une victime. Donne-moi un clic-clic et j'en ferai un bim-bim. Donne-moi un beat, j'te ferai du lourd. Donne-moi ton phone, j'te ferai la cour. Donne-moi ton gros bull bitch, j'te ferai l'amour. Donne-moi le pactole et j'en ferai un pourboire. La rue, un trottoir, 500 E, un mouchoir. Donne-moi un petit dealer de merde, j'en ferai un 6 gros. Si t'as pas balancé tes frères, j'serai toi un héros. Donne-moi un petit, j'en ferai un homme. Change les soupirs en cyclone. Donne-moi une pierre, j'en ferai un gomme cogne. Donne-moi de la neige, j'en ferai du crack. Banlieusard, j'm'en bats les steaks. Donne-moi un cup, j'en ferai un bucket. Donne-moi des frères, j'en ferai un square. Un square, j'en ferai un star. Donne-moi une barbichette, j'en ferai une grosse star. Donne-moi une belle photo, j'en ferai un poster. Petit, donne-moi ta mère, j'te ferai un beau-père. Donne-moi un banc, j'te fais un trône. Les beaux quartiers, la zone. Donne-moi deux feuilles, puis j'te fais un cône. Donne-moi ta haine, j'en ferai ma raison. Donne-moi 2, 3, 4 dealers, j'en ferai un réseau. Donne-moi. Donne un stylo, je te fais un son. Donne-moi une arme, je te rends du plomb. Politicien, j'en ferai un paillasson. Donne-moi le 16ème, j'en ferai le bled. Donne-moi la vie, je te la rends dead. Regarde-nous mal, tu vas crier à l'aide. Donne-moi ta haine, j'en ferai une arme. Un petit délit, j'en ferai un drame. Donne-moi ton sang et je me changerai en larmes. Donne-moi la rue, j'en ferai un palais. Donne-moi les traits et je trouverai qui a parlé. Donne-moi le game, j'en ferai une maison close. Frère, donne-moi les ondes, j'en ferai une overdose. AK-47, je fais tomber la pluie. Regarde le bois de Boulogne a changé elle en lui. Bro, donne-moi les draps, j'te ferai un yo-yo. Donne-moi un parloir, j'te ferai un bédo. Donne-moi des co-détenus, j'en ferai des partenaires. Donne-moi un trou de balle vide, j'en ferai un conteneur. Donne-moi la paix, j'te rends la guerre. Connu le square et la galère. Donne-moi le ciel et j'te le rendrai à terre. Donne-moi ton secret, j'te le rendrai en silence. Donne-moi la SACEM, j'te le rendrai en avance. Donne-moi la capitale, j'la changerai en crime. Raconte-moi ton histoire, j'la changerai en rime. Donne-moi l'échec, je le changerai en succès. On pourra tout me donner, ce sera jamais assez. Donne-moi.